Nzikobanyanga. François Kimana sur la mise en onde. Bienvenue, chers auditrices et auditeurs de la radio Sanganiro à ce journal dont voici d'abord le sommaire. 10 personnes sont déjà mortes sur la colline Rugeyo, en zone Namba, commune Mubanza de la province Bujumbura, depuis plus d'un mois. Parmi une centaine atteintes d'une maladie jusqu'ici inconnue, les habitants de cette localité s'inquiètent et pensent aux empoisonnements, ce qui les pousse même à ne pas se diriger vers les établissements sanitaire. Les passagers qui attendent les véhicules assurant le transport en commun dans la localité de Mahwa, en commune Matana, grognent depuis environ 2 ans que ce parking manque de toilettes et abris pour se protéger contre le soleil et la pluie. Et la chronique nutrition de ce dimanche est portée sur l'Euphorbia hirta, une plante qui est réputée pour ses propriétés anti-inflammatoires, antibactériennes, utilisées pour soulager l'asthme, la bronchite, la toux et autres infections respiratoires. Bienvenue à cette édition. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Ouvrons ce journal par la page santé. 10 personnes sont déjà mortes sur la colline Rugeyo, en zone Namba, commune Mubanza de la province Bujumbura, depuis plus d'un mois, parmi une centaine atteintes d'une maladie jusqu'ici inconnue. Les habitants de cette localité s'inquiètent et pensent aux empoisonnements, ce qui les pousse même à ne pas se diriger vers des établissements sanitaires, selon les témoins sur place à Rugeyo. Docteur Edouard Nzambimana, chef de district sanitaire de Mubanza, confirme ces informations et précise que les examens de laboratoire déjà effectués n'ont donné aucun résultat. Les responsables sanitaires et administratifs qui se sont rendus sur les lieux pensent que ces populations auraient consommé de la viande souillée. Nous devons cette information à notre consoeur Spes Caritas Carbagnana. Parmi une centaine de personnes déjà atteintes de cette maladie jusqu'ici non encore identifiée, 10 sont déjà décédées selon les témoins sur place à Rugeyo en zone Namba de la commune Mubanza, une maladie qui sème une peur panique chez les habitants de cette localité depuis plus d'un mois. Les victimes pensent aux empoisonnements et ne se pressent pas à se diriger vers les structures de soins selon la même source. Ils se soignent eux-mêmes dans leur ménage et quand ça ne réussit pas, c'est le tour des guérisseurs traditionnels. Les symptômes sont une haute température, des maux de tête, des vomissements et des douleurs au niveau du ventre et au niveau du cou, comme le disent les habitants de la colline Rugeyo. Lundi, le 14 de ce mois, une équipe de responsables sanitaires et administratifs est arrivée sur terrain et a constaté que 27 ménages constitués de 92 personnes étaient déjà attrapés par cette maladie et 10 personnes étaient déjà décédées selon Dr Floribert Nzambimana, chef de district sanitaire de Mubanza et qui faisait partie de cette équipe. Ils ont également appris qu'un enfant était hospitalisé et 2 adultes avaient déserté l'hôpital. Ces responsables sanitaires et administratifs ont également constaté le manque d'eau potable dans cette localité, surtout à la sous-colline Nobogo, et les bouchers vendent de la viande non examinée par les responsables vétérinaires, raison pour laquelle ils ont fixé différentes mesures, y compris l'utilisation de l'eau cuite par tous les habitants de cette localité, et les responsables vétérinaires doivent examiner les animaux à abattre. Même si les habitants de Rugeyo pensent aux empoisonnements, d'autres parlent plutôt des aliments ou de la viande souillée. Docteur Floribert Nzambimana explique que les examens de laboratoire n'ont donné aucun résultat et il dit aussi que ces personnes auraient consommé de la nourriture ou de la viande infectée. Il ajoute que l'hôpital chargé du suivi de ces malades et l'hôpital communal de Musigati, 2 malades y sont admis actuellement selon les habitants de Rugeyo. Spes Caritas Kabanyana en commune Mubanza de la province de Bujumbura. Radio Isanganiro. Page éducation. Certains directeurs provinciaux et communaux de l'éducation font savoir que le retard de paiement des fournisseurs qui ont gagné le marché de fabrication de bancs pupitres est à l'origine du refus de ces derniers de postuler pour les nouveaux marchés pareils. Les scientifiques reconnaissent ce retard, mais demandent plutôt aux concernés de fournir à temps des factures, tout en demandant aux responsables éducatifs et provinciaux et communaux d'aviser les fournisseurs par rapport à ce retard. C'était lors d'une réunion du ministre concerné à l'intention de ces responsables éducatifs tenus à Gitega ce jeudi, n'est-ce pas, Gélane Vikita? À tour de rôle, certains directeurs provinciaux et communaux de l'éducation ont dit que dans leur circonscription, il y a des fournisseurs qui ont gagné des marchés de fabrication, fournisseurs de bancs pupitres, et qui n'ont pas encore été payés jusqu'à présent, alors qu'ils ont fourni ces meubles. Par exemple, le directeur provincial de l'éducation dans l'ancienne province Kayanza a indiqué que quelqu'un a fourni des bancs pupitres pendant l'année scolaire 2023-2024 et n'a pas encore été régularisé et qu'il continue à réclamer son dû. Ainsi donc, ils ont tous conclu. Maintenant, les fournisseurs hésitent de postuler pour de nouveaux marchés de fabrication et fournisseurs de bancs pupitres quand ils apprennent que c'est un marché émanant du ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique et surtout quand ils pensent à ainsi le retard de paiement. De son côté, le numéro 1 de son ministère, professeur François Avialimana, reconnaît ce retard, surtout de l'année scolaire écoulée 2024-2025, que ce soit au niveau du paiement des bancs pupitres, que ce soit au niveau du paiement des véhicules utilisés pour la passation du concours national et de l'examen d'État suite aux problèmes de trésorerie. C'est pour cela qu'il demande aux responsables éducatifs provinciaux et communaux d'avertir d'abord les fournisseurs avant la soumission qu'il peut y avoir un retard de paiement, mais que tôt ou tard ils seront payés. En outre, il demande que chaque fois des factures soient fournies à temps afin que le ministère soit en ordre et que le problème émane d'ailleurs soit à la Banque de la République du Burundi, soit au ministère des Finances. Le ministre François Havyarimana a en fait souligné que même l'année scolaire prochaine, un nouveau marché des bancs pupitres sera lancé pour concrétiser la campagne intitulée « Zéro enfant mal assis en classe au Burundi ». Depuis Gitega, Jeanne Bigira pour la radio Isanganiro. Isanganiro. De Gitega cap sur Burunga, où les passagers qui attendent les véhicules assurant le transport en commun dans la localité de Mawa, en commune Matana, grognent depuis environ 2 ans que ce parking manque de toilettes et abris pour se protéger contre le soleil et la pluie. Ils demandent au nouveau conseil communal de cette commune de demander la propriété aujourd'hui exploitée par Elisabou pour l'aménager de façon que les voyageurs puissent s'y abriter et ainsi augmenter les recettes communales d'État avec Zeno Nzambiman. Ces grognes se font entendre chez les voyageurs qui attendent les véhicules assurant le transport en commun au parking d'Omawa, en commune Matana de la province de Burunga, plus précisément au carrefour des routes nationales numéro 7 et numéro 16. Les passagers rencontrés sur place déplorent qu'ils grognent depuis environ 2 ans que ce parking manque de toilettes et d'abris pour se protéger contre le soleil et la pluie. Certains demandent la construction des cabarets, des restaurants et hôtels à cet endroit. D'autres précisent que cette demande est adressée à la commune Matana. Ils demandent au conseil communal de mettre parmi les priorités le projet de demander la propriété aujourd'hui exploitée par l'Institut des sciences agronomiques du Burundi, Isabou, non loin de son parking d'Omawa, et ériger des restaurants, des hôtels et des cabarets. Selon ces voyageurs, ce projet permettra non seulement de trouver une solution à ce problème soulevé par les usagers de ce parking, mais aussi d'augmenter les recettes communales. Depuis le parking d'Omawa en commune Matana de la province, restons au sud du pays où certains jeunes participants au concours Nhingi Zimbonakazoza affirment que leurs talents peuvent les aider à progresser personnellement et à contribuer au développement du pays. Ils se sont exprimés ce samedi dans la zone commune de Makamba, province de Burunga, après avoir remporté des prix lors de ce concours organisé par la diaspora burundaise. Ils lancent également un appel à d'autres jeunes talentueux afin qu'ils osent montrer leurs compétences. Samuel Ndahira Guigé, représentant de la diaspora burundaise, affirmait que les connaissances et les talents de la jeunesse constituent une richesse précieuse pour le développement national. Les détails avec Clovis Nyunguru, notre envoyé spécial. Il s'agit de l'un des jeunes participants au concours Inkingi Zimbonakazoza. Nous sommes sur le terrain de football situé dans la zone commune de Makamba de la province de Burunga. C'est la quatrième journée de cette compétition organisée par la diaspora burundaise. Ce jeune était en train de délivrer un message sur comment le Burundi peut atteindre un objectif en utilisant son talent poétique. Après avoir été classé premier dans la discipline de la poésie, Jean Dodier doit Imana affirme que le talent des jeunes peut contribuer à leur propre développement, y compris celui du pays. Selon lui, pour atteindre un avenir prometteur, il faut travailler durement. Dans la discipline de dessin, Jean Bosco Nduimana, qui a aussi remporté un prix, souligne que l'image peut transmettre un message à celui qui la regarde. Il encourage les autres jeunes ayant des talents à oser et à se lancer. De son côté, Samuel Ndelagije, représentant de la diaspora burundaise, il n'y a aucune excuse valable qui pourrait empêcher le Burundi de se développer si nous valorisons nos connaissances et talents. Toujours selon son représentant de la diaspora burundaise, si tous les Burundais acceptent d'être les piliers d'un avenir prometteur, le pays connaîtrait un véritable développement. Ce concours est prévu pour se terminer au niveau provincial ce dimanche dans la province de Bujumbura. Depuis la zone de Makamba en province de Burunga, Clovis Nyunkuru, Radio Isanganiro. Radio Isanganiro, chronique nutrition. L'euphorbia erita, c'est une plante qui est réputée pour ses propriétés anti-inflammatoires, antibactériennes, utilisées pour soulager l'asthme, la bronchite, la toux et autres affections respiratoires. Selon Gilbert Nangwafi, chercheur nutritionniste, cette plante est reconnue pour ses effets bénéfiques sur la diarrhée, la dysenterie et les troubles gastro-intestinaux en général. La plante peut être appliquée localement pour aider à la cicatrisation des plaies. Chronique et nutrition sur Euphorbia irta avec Jean-Marie Vianney Ngedakoman. Euphorbia irta est une plante médicinale qui possède des propriétés anti-inflammatoires et antibactériennes capables de lutter contre les infections parasitaires. Selon Gilbert Nangwafi, chercheur nutritionniste, cette plante prévient également la bronchite et autres infections respiratoires. L'Euphorbia irta ou Euphorbia prolifera, c'est une plante qui appartient à la famille des Euphorbiaceae, présente un latex blanc lorsqu'on sectionne la tige. Et cette plante possède une composition extraordinaire qui la fait une plante médicinale, notamment les arcanes, les triterpènes, les phytostérols, les tannés, les polyphénols, les flavonoïdes, qui la permettent à lutter contre les infections parasitaires, fongiques, bactériennes. C'est une plante qui prévient et qui combat l'asthme, les troubles respiratoires, l'hypertension artérielle, le diabète, l'inflammation, la dépression, la faiblesse rénale, les troubles hépatiques, etc. Concernant sa préparation, son chercheur nutritionniste fait savoir qu'on peut l'utiliser sous forme du thé, tout en précisant que la durée de sa prise dépend de la gravité de la maladie. Concernant sa préparation, on peut l'utiliser sous forme de tisane surtout, en prenant les 2 cuillères à soupe, en les mettant dans une tasse d'eau chaude, tasse d'eau 1 demi-litre d'eau chaude, buvez comme dit un, et la durée n'est pas de la gravité de la maladie. Les femmes enceintes peuvent utiliser cette plante avec prudence, surtout en s'appuyant sur les conseils du médecin, explique son chercheur en nutrition. Certaines sources mentionnent également son utilisation comme anti-inflammatoire et cicatrisant. Elle est même mentionnée dans la pharmacopée africaine par l'Organisation de l'Unité africaine. Mais avec précaution, bien que l'Euphorbia irta a été utilisée depuis longtemps, il est important de l'utiliser avec prudence chez les femmes enceintes. L'Euphorbia irta trouve son origine en Amérique centrale et s'est répandue dans toutes les régions tropicales. En Afrique, on rencontre cette espèce de plante, notamment au Burundi et au Madagascar.